Chapitre 41e. Telle était la cause de la surprise et de l'effroi d'Olivier lorsqu'il eut ouvert la porte de la demeure de la duchesse. Le commandant Bernard, pâle, la figure bouleversée, semblait se soutenir à peine. Il s'appuyait sur le bras de mademoiselle de Beauménil. Celle-ci, aussi pâle que le vieux marin et vêtue d'une modeste robe d'indienne, avait le front ensanglanté, tandis que les brides de son chapeau de paille flottaient sur ses épaules. « Mon oncle, qu'avez-vous ? » s'écria Olivier, s'approchant vivement du vétéran et le regardant avec une angoisse inexprimable. « Qu'est-il donc arrivé ? » ?»« Ernestine ? » s'écria en même temps Herminie effrayée. « Mon Dieu, vous êtes blessée ?»« Ce n'est rien, Herminie, » répondit la jeune fille d'une voix tremblante en tâchant de sourire. « Ce n'est rien, mais pardonnez si je viens avec ce monsieur, c'est que tout à l'heure je... » La pauvre enfant ne put continuer. Ses forces, son courage étaient à bout. Ses lèvres blanchirent, ses yeux se fermèrent, sa tête se renversa doucement en arrière. Ses genoux se dérobèrent sous elle, et elle tombait sans Herminie, qui la reçut dans ses bras. « Elle se trouve mal !» s'écria la duchesse. « Monsieur Olivier, aidez-moi, portons-la dans ma chambre. »« C'est moi qui suis cause de ce malheur, » dit le commandant dans sa douloureuse anxiété. Et il suivit d'un pas chancelant, tant sa faiblesse était grande encore, Olivier et Herminie qui transportaient Ernestine dans la chambre à coucher. « Pauvre petite !» murmura le vétéran. « Quel cœur, quel courage !» La duchesse, ayant assis Ernestine sur son fauteuil, ôta le chapeau qu'elle portait, écarta de son front pur et blanc ses beaux cheveux châtains, dont les énormes tresses se déroulèrent sur ses épaules. Puis, pendant que la tête appesantie de mademoiselle de Beauménil était soutenue par Olivier, Herminie, à l'aide de son mouchoir, étancha le sang d'une blessure, heureusement légère, que la jeune fille avait un peu au-dessus de la tempe. Le vieux marin, debout, immobile, les lèvres tremblantes, tenant entre ses mains son petit mouchoir à carreaux bleus, contemplait cette scène touchante sans pouvoir trouver une parole, tandis que de grosses larmes tombaient lentement de ses yeux sur sa moustache blanche. « Monsieur Olivier, soutenez-la, je vais chercher de l'eau fraîche et un peu d'eau de Cologne, » dit Herminie. Et bientôt elle revint, portant une élégante cuvette de porcelaine anglaise et un flacon de cristal à demi rempli d'eau de Cologne. Après avoir légèrement épongé la blessure d'Ernestine avec de l'eau mélangée de spiritueux, Herminie en prit quelques gouttes dans sa main et les fit aspirer à mademoiselle de Beauménil. Peu à peu, les lèvres d'Ernestine se colorèrent et une tiède rougeur remplaça la froide pâleur de ses joues. Dieu soit loué, elle revient à elle. Herminie en relevant les tresses de la chevelure de l'orpheline et les assujettissant sur sa tête au moyen de son peigne d'écaille. Olivier, profondément touché de ce tableau, dit à la duchesse qui, debout auprès du fauteuil, soutenait sur son sein agité la tête de mademoiselle de Beauménil. « Mademoiselle Herminie, je regrette que ce soit dans une si triste circonstance que j'ai à vous présenter mon oncle, monsieur le commandant Bernard. » La jeune fille répondit aux paroles d'Olivier par un salut affectueux adressé au vieux marin. Celui-ci reprit. « Et moi, mademoiselle, je suis doublement désespéré de cet accident, dont je suis malheureusement cause, et qui vous met dans un si pénible embarras. » « Mais, mon oncle, » reprit Olivier, « que vous est-il donc arrivé ?» Pendant qu'Herminie, voyant, grâce au bon succès de ses soins, Ernestine reprendre peu à peu ses sens, lui faisait de nouveau aspirer quelques gouttes d'eau de Cologne, le commandant Bernard répondit à Olivier d'une voix émue. « J'ai été sorti ce matin pendant que tu causais avec un de tes amis. En effet, mon oncle, Madame Barbançon m'a dit que vous aviez eu l'imprudence de sortir malgré votre extrême faiblesse. Mais ce qui l'avait un peu rassuré, c'est que vous lui avez paru plus gai que vous ne l'aviez été depuis bien longtemps. « Oh, certes, » reprit le vétéran avec expansion, « j'étais gai parce que j'étais heureux. Oh, bien heureux, car ce matin... » Mais le commandant s'arrêta, regarda Olivier avec une expression singulière et ajouta en soupirant « Non, non, je ne dois rien te dire. Enfin, je suis donc sorti. C'est bien imprudent, mon oncle. Que veux-tu? J'avais mes raisons. Et puis j'ai cru que l'exercice au grand air serait plus profitable à ma convalescence que les promenades bordées à notre petit jardin. Je suis donc sorti. Cependant, me défiant de mes forces, au lieu de gagner la plaine, je suis allé ici près, dans ces grands terrains gazonnés qui avoisinent le chemin de fer. Après avoir un peu marché, me sentant fatigué, je me suis assis au soleil. sur le faîte d'un talus qui borde l'une de ces rues tracées et pavées, mais où il n'y a pas encore de maison. J'étais là depuis un quart d'heure lorsque, me croyant suffisamment reposé, j'ai voulu me lever pour revenir chez nous, mais cette promenade, quoique peu longue, avait épuisé mes forces. À peine étais-je debout que j'étais pris d'un étourdissement, mes jambes ont fléchi, j'ai perdu l'équilibre, le talus était rapide. « Vous êtes tombé ?» dit Olivier avec anxiété. « Oui, j'ai glissé jusqu'en bas du monticule. Cette chute aurait été peu dangereuse. Si une grosse charrette chargée de pierres et dont les chevaux abandonnés du charretier marchaient à l'aventure n'eût passé à ce moment. « Grand Dieu !» s'écria Olivier. « Quel affreux danger !» s'écria Herminie. « Oh oui, affreux surtout pour cette chère demoiselle que vous voyez là, blessée, en risquant sa vie pour sauver la mienne. Comment, mon oncle, cette blessure de mademoiselle Ernestine ?»« En tombant au bas du talus, » reprit le vieillard en interrompant son neveu, qui jeta sur mademoiselle de Beauménil un regard d'attendrissement et de reconnaissance ineffable. « Ma tête avait porté. J'étais étendu sur le pavé, incapable de faire un mouvement, lorsqu'à travers une espèce de vertige, je vis les chevaux s'avancer. Ma tête n'était plus qu'à un pied de la roue lorsque j'entends un grand cri. Je vois vaguement une femme qui venait en sens inverse des chevaux se précipiter de mon côté. C'est alors que la connaissance m'a manqué tout à fait. Puis, reprit le vieillard avec une émotion croissante, lorsque je suis revenu à moi, j'étais assis et adossé au talus à deux pas de l'endroit où j'avais failli être écrasé. Une jeune fille, un ange de courage et de bonté, était agenouillée devant moi, les mains jointes, pâle encore d'épouvante, le front ensanglanté. « Et c'était elle !» s'écria le vieux marin en se retournant vers Ernestine, qui avait alors tout à fait repris ses sens. « Oui, c'était vous, mademoiselle, » reprit-il, « vous, qui m'avez sauvé la vie en vous exposant à périr, vous, pauvre faible créature, qui n'avez écouté que votre cœur et votre vaillance. « Oh, Ernestine, que je suis fière d'être votre amie !» s'écria la duchesse, en serrant contre son cœur Ernestine, rougissante et confuse. « Oui, oui !» s'écria le vieillard. « Soyez-en fière de votre amie, mademoiselle, vous le devez !»« Mademoiselle !» dit à son tour Olivier en s'adressant à mademoiselle de Beauménil avec un trouble indéfinissable. « Je ne puis vous dire que ces mots, et votre cœur comprendra ce qu'ils signifient pour moi. Je vous dois la vie de mon oncle, ou plutôt du père le plus tendrement chéri. » Monsieur Olivier, répondit mademoiselle de Beauménil en baissant les yeux après avoir regardé le jeune homme avec surprise, ce que vous me dites là me rend doublement heureuse, car j'avais ignoré jusqu'ici que monsieur fut celui de vos parents dont Herminie m'avait parlé avant-hier. Et maintenant, mademoiselle, reprit le vieillard d'un ton rempli d'intérêt, comment vous trouvez-vous? Il faudrait peut-être aller chercher un médecin. Mademoiselle Herminie, qu'en pensez-vous? Olivier y courrait. Monsieur Olivier, n'en faites rien, de grâce, dit vivement Ernestine. Je n'éprouve qu'un peu de mal de tête. La blessure doit être légère, c'est à peine si je la ressens. Lorsque tout à l'heure je me suis évanouie, ça a été, je vous l'assure, bien plus d'émotion que de douleur. Il n'importe, Ernestine, dit Herminie, il faut prendre un peu de repos. « Je crois comme vous votre blessure légère, mais vous avez été si effrayée que je veux vous garder pendant quelques heures. »« Oh, quant à cette ordonnance-là, ma chère Herminie, » dit en souriant mademoiselle de Beauménil, « j'y consens de tout mon cœur, et je ferai durer ma convalescence le plus longtemps qu'il me sera possible. »« Olivier, mon enfant, » dit le vieux marin, « donne-moi le bras, laissons ces demoiselles. »« Monsieur Olivier, » reprit Herminie, « il est impossible que M. Bernard, faible comme il est, s'en aille à pied. Si vous vouliez le dire à la portière d'aller chercher une voiture... »« Non, non, ma chère demoiselle, avec le bras de mon Olivier, je ne crains rien, » reprit le vieillard. « Le grand air me remettra. Et puis je veux montrer à Olivier l'endroit où je périssais sans cet ange gardien. Je ne suis pas dévot, mademoiselle, mais j'irai souvent, je vous le jure, vers un pèlerinage à ce talus de gazon. » Et je prierai à ma manière pour la généreuse créature qui m'a sauvé au moment où j'avais tant envie de vivre, car ce matin même, et pour la seconde fois, à la nouvelle surprise d'Olivier, le vétéran refoula les paroles qui lui vinrent aux lèvres. « Enfin n'importe, » reprit-il. « Je prierai donc à ma manière pour mon ange sauveur, car vraiment, » ajouta le vétéran en souriant d'un air de bonhomie, « c'est le monde renversé. Ce sont les jeunes filles qui sauvent les vieux soldats. Heureusement qu'au vieux soldat, il reste un cœur pour le dévouement et pour la reconnaissance. » Olivier, les yeux attachés sur le mélancolique et doux visage de Mademoiselle de Beauménil, éprouvait un attendrissement rempli de charme. Son cœur palpitait sous les émotions les plus vives et les plus diverses, en contemplant cette jeune fille et se rappelant les incidents de sa première rencontre avec elle, sa franchise ingénue, l'originalité naïve de son esprit, puis surtout les confidences d'Herminie, qui lui avait appris que le sort d'Ernestine était loin d'être heureux. Certes, Olivier admirait plus que personne la rare beauté de la duchesse, mais en ce moment Ernestine lui semblait aussi belle. Le jeune sous-officier était tellement absorbé qu'il fallut que son oncle le prît par le bras et lui dit « Allons, mon garçon, n'abusons pas plus longtemps de l'hospitalité que Mademoiselle Herminie me pardonnera d'avoir acceptée. » « En effet, Herminie, » dit Ernestine. « Sachant que vous demeuriez tout auprès de l'endroit où l'accident est arrivé, j'ai cru pouvoir... « N'allez pas vous excuser maintenant, » dit la duchesse en souriant et en interrompant Mademoiselle de Beauménil. « Vous excusez après avoir agi en ami. » Adieu donc, mesdemoiselles, dit le vieux marin, et s'adressant à Ernestine d'un ton pénétré. « Il me serait trop pénible de penser que je vous ai vu aujourd'hui pour la première et la dernière fois. Rassurez-vous, mademoiselle, » ajouta le vieillard en répondant à un mouvement d'embarras d'Ernestine. « Ma reconnaissance ne sera pas indiscrète. Seulement, je vous demanderai, comme une grâce à vous et à mademoiselle Herminie, de me faire savoir quelquefois, aussi rarement que vous le voudrez, quand je pourrai vous rencontrer ici, n'est-ce pas ?» dit le vieillard en contenant son émotion. « Car ce n'est pas tout de remplir un cœur de gratitude, il faut au moins lui permettre de l'exprimer quelquefois. » « Monsieur Bernard, » dit Herminie, « votre désir est trop naturel pour qu'Ernestine et moi, nous ne nous y rendions pas. L'un de ces soirs, qu'Ernestine sera libre, nous vous avertirons, et vous nous ferez le plaisir de venir prendre une tasse de thé avec nous. » « Vraiment ?» dit joyeusement le vieillard, puis il ajouta. « Toujours le monde renversé. Ce sont les obligés qui sont comblés par les bienfaiteurs. Enfin, je me résigne. Allons, encore adieu, mesdemoiselles. Surtout, au revoir. Viens-tu, Olivier ?» Au moment de sortir, le vieux marin s'arrêta, parut hésiter, et après un moment de réflexion, il revint sur ses pas et dit aux deux jeunes filles « Tenez, mesdemoiselles, décidément, je ne veux pas, je ne dois pas emporter un secret qui m'étouffe. Un secret, monsieur Bernard ?»« Ah, mon Dieu, oui, deux fois déjà il m'est venu aux lèvres, mais deux fois je me suis contraint, parce que j'avais promis de garder le silence. » Mais après tout, il faut que mademoiselle Ernestine, à qui je dois la vie, sache au moins pourquoi je suis heureux de vivre. « Je pense comme vous, monsieur Bernard, » dit Herminie, « vous devez cette récompense à Ernestine. » « Je vous assure, monsieur, » reprit mademoiselle de Beauménil, « que je serai très heureuse de votre confidence. »« Oh, c'est que c'est une vraie confidence, mademoiselle, car je vous l'ai dit, on m'avait recommandé le secret. »« Oui, et s'il faut te l'avouer, mon pauvre Olivier, c'est pour mieux le garder, ce diable de secret, que je suis sorti ce matin pendant que tu étais à la maison. Pourquoi cela, mon oncle ? Parce que, malgré toutes les recommandations du monde, dans le premier saisissement de la bonne nouvelle que je venais d'apprendre, je n'aurais pu m'empêcher de te sauter au cou et de te dire tout. Aussi, je suis sorti, espérant m'habituer assez à ma joie pour pouvoir te la cacher plus tard. Mais, mon oncle, dit Olivier, qui écoutait le vétéran avec une surprise croissante, « de quelle bonne nouvelle voulez-vous donc parler ? L'ami que tu as vu ce matin à la maison ne t'a pas dit que sa première visite avait été pour moi, n'est-ce pas ?»« Non, mon oncle. Lorsqu'il est venu me trouver sous la tonnelle, je croyais qu'il arrivait à l'instant. »« C'est cela. Nous en étions convenus de te cacher notre entrevue, car c'est lui qui me l'a apporté, cette fameuse nouvelle. » »« Et Dieu sait s'il était content, quoiqu'il m'ait paru bien triste d'autre part. » « En un mot, mesdemoiselles, vous allez comprendre mon bonheur, » reprit le vétéran d'un air triomphant. « Mon brave Olivier est nommé officier. »« Moi ?» s'écria Olivier avec un élan de joie impossible à rendre. « Moi, officier ?»« Ah, quel bonheur pour vous, monsieur Olivier, » dit Herminie. « Oui, mon brave enfant, » reprit le vétéran en serrant dans ses mains les deux mains d'Olivier. « Oui, tu es officier. et je devais te garder le secret jusqu'au jour où tu recevras ton brevet pour que ta joie fût plus complète, car tu ne sais pas tout. « Qu'a-t-il donc encore, monsieur Bernard ?» demanda Ernestine, qui prenait un vif intérêt à cette scène. « Il y a, mademoiselle, que mon cher Olivier ne me quittera pas, d'ici longtemps du moins, car on l'a nommé officier dans l'un des régiments qui viennent d'arriver en garnison à Paris. « Eh bien, mademoiselle Ernestine, reprit le vétéran, avais-je raison d'aimer la vie en pensant au bonheur d'Olivier, au mien ? Comprenez-vous maintenant toute l'étendue de ma reconnaissance envers vous ?» Le nouvel officier restait muet, pensif. Une vive émotion se peignit sur ses traits, lorsque, par deux fois, il jeta les yeux sur mademoiselle de Beauménil avec une expression nouvelle et singulière. « Eh bien, mon enfant, dit le vétéran, étonné, presque chagrin, du silence méditatif qui avait succédé chez Olivier à sa première exclamation de surprise et de joie. « Moi qui croyais te faire tant de plaisir en t'annonçant ton grade. Je sais bien qu'après tout ce n'est que justice rendue et tardivement rendue à tes services, mais enfin... Oh, mon oncle, ne me croyez pas ingrat envers la destinée, reprit Olivier d'une voix profondément pénétrée. « Si je me tais, c'est que mon cœur est trop plein. » C'est que je pense à tous les bonheurs que renferme la nouvelle que vous m'apprenez. Car ce grade, je le dois, j'en suis sûr, à la chaleureuse intervention de mon meilleur ami. Ce grade me rapproche pour longtemps de vous, mon oncle. Et enfin, ce grade, ajouta Olivier, en jetant de nouveau les yeux sur Ernestine, qui rougit en rencontrant encore le regard du jeune homme, ce grade est sans prix pour moi, reprit Olivier, parce que... C'est vous qui me l'annoncez, mon oncle. Évidemment, Olivier ne disait pas la troisième raison qui rendait son nouveau grade si précieux pour lui. Ernestine devina seule les généreuses et secrètes pensées du jeune homme, car elle rougit encore. Et une larme d'attendrissement involontaire brilla dans ses yeux. Et maintenant, mon officier, reprit gaiement le vieux marin, maintenant que ces demoiselles ont bien voulu prendre part à ce qui nous intéresse, remercions-les. Ne soyons pas plus longtemps indiscrets. Seulement, mademoiselle Herminie, n'oubliez pas votre invitation pour le thé. Vous voyez que j'ai bonne mémoire. Oh, soyez tranquille, monsieur Bernard. Je vous prouverai que j'ai aussi bonne mémoire que vous, répondit gracieusement Herminie. Pendant que le commandant Bernard adressait à mademoiselle de Beauménil quelques dernières paroles de reconnaissance et d'adieu, Olivier, s'approchant d'Herminie, lui dit à demi-voix d'un ton suppliant. « Mademoiselle Herminie, il est des jours qui doivent disposer à la clémence. Que dirais-je à Gérald ?»« Monsieur Olivier, » reprit Herminie dont le front s'attrista profondément, car la pauvre enfant avait un instant oublié ses chagrins. « Vous savez ma résolution. » Olivier connaissait la fermeté du caractère d'Herminie. Il étouffa un soupir en songeant à Gérald et reprit. « Un mot encore, mademoiselle Herminie. Voulez-vous avoir la bonté de me recevoir demain, à l'heure qui vous conviendra, pour une chose très importante et qui, cette fois, m'est toute personnelle? Vous me rendrez un grand service. »« Avec plaisir, monsieur Olivier, » répondit la duchesse, quoique assez surprise de cette demande. « Demain matin, je vous attendrai. »« Je vous remercie, mademoiselle. À demain, donc, » dit Olivier. Et il sortit avec le commandant Bernard. Les deux sœurs restèrent seules.